Les Sud-Coréens de tous les paliers condamnent les autorités qui empêchent l'éclaircissement des dessous de l'accident catastrophique du paquebot Séoul. Selon les presses sud-coréennes Yonhap News et News 1, en signe de protestation aux autorités, les membres du comité d'enquête spécial sur l'accident de Séoul et des familles des victimes sont en grève de la faim illimitée sur la place de la porte Kwanghwa à Séoul. Le conseil des familles 16 avril, organisation des familles des victimes de Séoul, et les ex-membres du comité des droits de l'homme ont tenu respectivement une conférence de presse sur la place de la porte Kwanghwa, tandis que les parlementaires issus du Parti démocrate d'Oboulot, une conférence de presse devant la Maison Bleue contre les autorités qui cherchent à dissoudre de force le comité d'enquête spéciale. Le journal d'internet La Voix du Peuple, en date du 2, donne un éditorial sur la justesse des activités du comité d'enquête spéciale.